J'aurais bien aimé que vous précisiez un petit peu, notamment parce que Fossil Capital et puis La Chauve-Souris et le Capital semblaient deux livres particulièrement importants parce que, de fait, avec les années qui passent, le titre L'Anthropocène contre l'histoire paraît d'autant plus lié à l'actualité qu'on connaît et qu'effectivement la crise de Covid a révélé combien les crises climatiques allaient être un peu déterminantes ou les crises écologiques. Et que la crise du Covid fait partie de ces crises écologiques et fait partie aussi de ce qui est défini dans Fossil Capital comme des crises d'adaptation, les moments où le capitalisme est plus capable d'avoir des conditions, disons, d'accumulation et que ces moments-là participent d'un regain national-fasciste, de partis d'extrême droite, d'un regain vers l'Empire. Et peut-être que ce serait important pour ça de préciser ce que vous entendez, tant Mohamed que Malm, par ce retour un peu des visées impériales et leur connexion à l'écologie ou à la crise capitaliste actuelle. Martin ? Du coup, moi, j'ai une petite grappe de questions. Donc ça, la première serait plus pour Malm, qui a beaucoup insisté sur l'adoption par la marine anglaise des bateaux à vapeur. Merci. J'aimerais bien savoir s'il a des précisions à apporter sur le rôle qu'a pu jouer l'adoption pétrole à partir de 1907 par cette même marine dans le projet colonial au Moyen-Orient, sachant que c'est ce qui va impacter plus directement les trajectoires de l'Irak, de l'Iran, de la péninsule arabique. Donc s'il y a des choses à ajouter, je serais assez intéressé. Plus pour Mohamed, je serais curieux de savoir comment est-ce qu'il intègre l'islamophobie non occidentale dans ce modèle qu'il propose. Typiquement, en tête, j'ai l'Inde de Narendra Modi, qui est dans des logiques effectivement extractivistes, productivistes, quand on regarde les politiques en termes agricoles, etc. etc. Voilà. Est-ce que c'est un modèle qui se décalque ailleurs qu'en Europe ? Et le troisième point, c'est dans un cas comme dans l'autre, dans un cas comme dans l'autre, il y a une importance quand même très forte qui a été mise sur le rôle de colonisateur dans la montée en puissance de ce capitalisme fossile et dans le développement de certaines idéologies réactionnaires. Est-ce que il y aurait pas une réflexion à élargir là encore en décentrant un peu le regard, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait rentrer dans ce modèle-là, dans cette compréhension-là de l'histoire, le rôle qu'a pu jouer les pétrodollars dans la montée en puissance et l'exportation, d'abord au niveau régional puis international, du wahhabisme à travers l'Arabie saoudite ou dans le monde sunnite, et ou le rigorisme chiite porté par la République iranienne, ou dans une forme un peu moins extrême, un islamisme réactionnaire porté par exemple l'AKP en Turquie d'Erdogan, qui est aussi très extractiviste et dans une logique d'accumulation capitaliste destructrice de l'environnement qui me semble correspondre assez bien à ce qu'est censé recouvrir le concept de capitalisme fossile. Voilà. Yeah, so on the question of oil, well, there is so much you can say about oil in the Middle East. We don't discuss it that much in the book, but there is one key moment that we say something about. I'm not 100% sure that it's in the French edition, but it's the moment of the oil crisis in beginning in 1973 with the OPEC embargo, and then with the Iranian Revolution in 1979 and the embassy occupation, so the oil crisis of 79-80. Sur la crise du pétrole, sur le pétrole et le Moyen-Orient, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ils en parlent dans le livre à partir de la crise de 73 et de la crise pétrolière. This was the first capitalist crisis that was directly centered, at least in the perception of broad layers of the population in the global north, on a fossil fuel. So it was seen as an oil crisis, right? C'est la première crise capitaliste directement connectée au pétrole, directement perçue et définie comme une crise du pétrole. And the first crisis in 1973 was largely understood as the doings of the Arabs, the Arab sheikhs, the sheikhs of the OPEC, withdrawing their oil, denying us our oil, in retaliation for the support to Israel during the war of 1973. Et cette guerre a vite été interprétée côté Occident comme une manière du côté des pays arabes de garder leur pétrole, de pas vouloir le partager, de d'agir là-dessus, et que ça a eu un rôle déterminant. But in the second oil crisis, where the spike in oil prices was dramatically higher after the Iranian Revolution and with the occupation of the US embassy, that perception shifted, and instead you had a new idea of the Iranians who were out toppling the Shah and making revolution, acting primarily as Muslims. Il y a un retournement intéressant, c'est qu'après, en Iran, quand l'occupation de la, quand l'ambassade américaine est occupée, etc., et qu'il y a une révolution en Iran, là, la perception change. C'est plus une crise où ils veulent garder leur pétrole, mais c'est une crise qui serait celle des musulmans. C'est les, enfin, la révolution serait des musulmans radicaux, etc. Il y a un changement, un basculement complet entre les deux crises. And this was a very central historical moment in the emergence of contemporary Islamophobia, with the perception in parts of the global north that the Muslims are taking control and they have become so powerful as to encroach on our very lifestyles and denying us the blessings that come with the car and the airplane and all the rest. Et c'est vraiment un moment de basculement qui est un peu à l'origine de l'islamophobie contemporaine, et le moment où l'interprétation change et on commence à dire que les musulmans veulent prendre le contrôle, ou en plus nuire au mode de vie de la voiture, le mode de vie associé à l'économie fossile dans les pays occidentaux, et que c'est ce moment-là un peu qui est un vrai basculement par rapport à ça. Of course, obviously this analysis draws on Edward Said and others who have studied this. And what's fascinating from an ecological point of view is that you have in parts of the imperial core, if you like, precisely this perception that our entitlement to a fossil-fueled lifestyle is under threat from Muslims. Et c'est vraiment quelque chose que Edward Said a beaucoup étudié et tout ça, mais ce moment où notre vie de capitaliste appuyée sur l'énergie fossile serait menacée par les musulmans. C'est un de ces moments qui construit cette forme de perception encore présente aujourd'hui. And we hypothesize that this is one source, not the source, but one of many, of the contemporary far right in its typical climate denial, fossil fuel promoting iteration. Et c'est une des causes, pas la seule, pas la fondamentale de ça, mais c'est une des causes qui est la source de beaucoup des discours des partis d'extrême droite aujourd'hui dans leur façon de parler du déni de crise climatique, de la nécessité de garder leurs énergies fossiles pour chez eux, etc. And it's roughly a decade between the oil crisis of 1980 until climate became a big issue in Western politics. In the 1990s, Jean-Marie Le Pen developed the idea that all this talk about the climate is a conspiracy of non-white people against the white to deny us from what is ours. And there seems to be some kind of link between those moments, although it needs to be, I think, studied in more detail. Il y a vraiment un tournant dans les années 80 à 90 de ce basculement sur les discours par rapport à ça. Et par exemple, ici, Jean-Marie Le Pen, qui lui invente l'idée que les discours écologistes sont des manières des non-blancs de s'en prendre au mode de vie occidental, au mode de vie blanc. Il y a des constructions comme ça qui mériterait d'être plus exploré et plus détaillé, mais il y a vraiment un shift à cet endroit-là. Now, obviously, as you know, Rassemblement National has moved on from this position and is now more saying, yes, the climate crisis and the ecological crisis is real, and the solution to that is the border and the nation and all of this. We can talk about that later. Voilà. It's just one more way of beating the immigrants. Le Rassemblement National a changé de position maintenant, comme vous savez. Ils défendent maintenant, oui, la crise climatique existe, mais la solution, c'est les frontières, c'est chacun chez soi, et on peut continuer à taper sur les migrants. Enfin, I'll leave it. Alors la question, c'était sur les formes non occidentales d'islamophobie, c'est ça. C'est une question qui est complexe, parce qu'il y a deux risques en répondant à cette question. Le premier risque, c'est un risque qui est d'une certaine manière eurocentrique, qui consistera à dire d'une certaine manière, il y a une islamophobie, elle vient d'Europe et ensuite elle se transfère d'une certaine manière hors d'Europe. Et puis il y a un risque qui est... inverse, mais en fait, c'est au fond le même, qui consiste à dire non, c'est quelque chose qui est endogène, etc. C'est d'ailleurs des débats qui qu'on retrouve dès lors qu'il s'agit de penser comment est-ce que la modernité ou des formes de modernité non occidentale se constituent. Et en fait, il faut articuler les deux, à mon sens. C'est-à-dire, je ne conteste pas du tout l'émergence de formes d'islamophobie non européenne, comme en Inde, vous citiez cet exemple, ne s'enracine pas dans des formes qui ne sont pas réductibles à ce qui s'est passé en Occident, certes. En revanche, je pense qu'il y a tout de même des transferts qu'il faut maintenir. Et je dirais, pour répondre à votre question vraiment de façon liminale, il y a un discours qui justement est importé par les Britanniques, à mon sens. Et ce discours consiste, et c'est au fond sa forme la plus récente, c'est cette fameuse théorie du grand remplacement. Pourquoi ? Parce que le discours consiste à dire les musulmans sont au fond des conquérants, des colonisateurs. Ça consiste à les mettre à cette place. Et du coup, le discours islamophobe devient en fait un contre-discours ou un discours de résistance. Enfin, il se pose comme un discours de résistance face à une forme d'occupation. Malgré la diversité des formes, à mon sens et en vertu au fond de la globalisation, il y a, à mon avis, des formes d'islamophobie qu'on retrouve en Occident et ailleurs et qui ont en vérité plus en commun qu'elles ont de différences. J'aurais tendance à faire cette hypothèse. Maintenant, après, précisément pour pouvoir la faire, il faut montrer comment ces discours, qui sont d'une certaine manière d'origine européenne, se déploient dans des contextes différents et sont transformés, réadaptés, etc. Par rapport à la deuxième question, et qui rejoint en fait la première, à partir du moment où, on parle d'État fossile et pas simplement de capitalisme fossile, et qu'on prend au sérieux le fait que la forme État, l'État moderne ou l'État-nation moderne, bien qu'il faille faire attention avec cette question d'État-nation, puisqu'il peut y avoir des formes d'État moderne qui ne sont pas vraiment des États-nations, donc disons État moderne, que l'importation de ce modèle dans des pays non occidentaux a eu un effet fondamental et à des conséquences qui ne sont pas réductibles, en vérité, seulement à une pure et simple reproduction de l'Europe ailleurs, et qui ne sont pas non plus réductibles à la critique du capitalisme ou au capitalisme lui-même. Je m'explique. Ça veut dire deux choses. L'État, l'introduction de l'État moderne comme une forme d'organisation du politique distincte des formes précédentes, est en fait un dispositif de rattrapage qui permet en fait d'introduire des formes d'économie capitaliste et qui permet en fait d'introduire des formes d'extraction, d'extractivisme. Simplement, je comprends les formes d'objection qu'il y a, qui consistent à dire donc il y a des partis qui sont islamistes et en même temps extractivistes, etc. Oui, bien sûr, et ça relève en fait d'un point de vue historique plus long de ce que j'essayais de décrire comme des processus de transformation interne de la tradition islamique, au fondement desquels il se trouve cette dynamique de transformation interne de ce qu'on appelle la charia et de constitution, en fait, d'invention du droit, du dit droit islamique. Et il y a plusieurs phénomènes qui coexistent, qui consistent, comme je le disais, à codifier ce qui, en fait, n'était pas vraiment un droit, mais des pratiques éthico-juridiques non codifiées, qui, au fond, ne concernaient pas simplement les musulmans. Et à partir du XIXe siècle, sous l'effet de la colonisation, précisément, ces pratiques éthico-juridiques deviennent un code. Et, comme je le disais, elles se focalisent, elles s'orientent autour de la question de la famille, qui, d'ailleurs, en fait, est inventé au même moment, puisque avant, famille signifiait autre chose. Et le modèle de ce que c'est censé être une famille est pareil, impacté d'une certaine manière, transformé par le modèle de l'Europe. Donc vous avez deux dynamiques qu'il faut toujours tenir ensemble, à savoir une forme d'européanisation et une déseuropéanisation de la modernité par le même biais. Les deux phénomènes sont connexes. Et ce que parfois on appelle islamisme, et doit être considéré, à mon sens, comme le résultat de l'introduction de l'État dans les pays dits à majorité musulmane. Pourquoi ? Parce que précisément, c'est cette reconfiguration et cette intégration des traditions islamiques, si vous voulez, mais en l'occurrence de la tradition juridique particulièrement, à l'intérieur de l'État moderne, qui du coup reconfigure cette tradition, la transforme. Et en vérité, c'est cette transformation-là qui rend possible les formes de conservatisme ou, dont vous parliez. Donc on ne peut pas évidemment dire qu'elles n'ont rien à voir avec la religion, ce qu'on dit parfois, c'est-à-dire il n'y a que des causes profanes et la religion est une sorte d'épiphénomène. On ne peut pas dire ça, et pour exactement la même raison, on ne peut pas dire l'inverse non plus, à savoir dire c'est de la religion, puisqu'à partir du moment où on dit ça, on le rend anhistorique, ce phénomène. Et c'est précisément parce que, en vérité, cette transformation interne fait partie des coordonnées de ce que j'appelle la sécularisation, que précisément, si vous voulez, il faut intégrer ces dynamiques-là à notre analyse des pratiques extractivistes, non seulement en Occident, mais justement aussi ailleurs, puisque ces greffes ou ces transferts sont en fait complètement liés à cette histoire que j'essayais que je viens d'esquisser, et en vérité, du coup, aux conséquences, évidemment, des transformations que cette histoire décrit. Voilà. Et ouais, moi, par ailleurs, en fait, j'avais envie de partir sur un terrain qu'on n'avait peut-être pas forcément abordé dans la discussion jusqu'ici, mais qui, pour le coup, a pas mal été présente à la discussion de dimanche où tu étais présent à Ménilmontant, au Mont-en-l'Air. Et que moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a plein de questions qu'il a avec la crise, la pandémie, etc., nous reviennent un peu en pleine face et qui sont importantes à prendre en compte. Comment on peut avoir une vie vivable aujourd'hui, demain, tout ça. Mais pour moi, en fait, ces choses-là, elles ne peuvent pas se réfléchir sans une réflexion profonde sur le rapport au pouvoir, à l'industrie. Et du coup, le versant un peu de ça, bah, c'est de penser à quelle forme de conflictualité nous, on peut assumer. Quoi. On fait quoi, en fait ? What do we do ? Est-ce que ta question moi, je voulais revenir sur quelque chose qu'il y avait dans l'intervention de Mohamed sur l'idée d'animisme chez les écologistes actuels, qui a été un peu. J'ai l'impression que tu en parlais un peu comme le symptôme d'une inattention à l'histoire de cette histoire de la sécularisation. Et ma question, c'était est-ce qu'il y a d'autres sens qu'on pourrait mettre derrière ces tentatives de rechercher d'autres formes de rationalité que celle de la modernité, de la sécularisation ? Est-ce qu'en d'autres termes, c'est juste un avatar de la sécularisation, ces tentatives un peu de certains mouvements écologistes d'aller chercher d'autres formes de rationalité ? Et la question qui est derrière, c'est, et qui du coup s'adresse à vous deux, c'est quelles sont les pistes pour faire advenir cette critique de la Terre dont tu parlais, qui soit pas une critique de la Terre adossée à une critique du ciel, et quelle place pourrait avoir notamment la tradition de pensée écologiste dans ce renouvellement de la critique, qui s'est quand même déployée à distance de la pensée marxiste, quelle place aussi cette pensée écologiste pourrait avoir dans le déploiement aussi de manière concrète de cette critique. I'll leave the last question to Comrade Mohammed, but on the question of what is to be done, I'm not going to pretend that I have an answer to the question, so I'm not going to give an answer, but I can say something about the book called What is to be Done by Comrade Lenin, which has some relevance for the present situation, in fact, I think. Il laisse la deuxième question à Mohammed, mais sur la question de que faire, il ne va pas répondre vraiment, enfin il n'a pas de réponse et tout ça, mais il va nous parler de ce livre « Que faire ?» du camarade Lénine, qui est très important malgré tout pour penser aujourd'hui la situation qui nous est faite ou qui nous arrive. Because one of the things that he describes in that book, I hope there is a good, decent French translation of it. There are many poor English translations of it, and a good English translation only emerged a few years back. Anyway, one of the things that he's so frustrated about in the very early 20th century is that there's been a period in Imperial Russia under the Tsar when there has been one eruption, more or less spontaneous, of workers' protest after another, It has erupted and then it has died down. It has emerged again and then it has disappeared without any solid organization that can take the struggle from one cycle to the next and continue to exist in between and give a direction to this protest. Il espère qu'il y a une bonne traduction de Que faire de Lénine en français, mais je crois, de mémoire. Et il rappelle cette histoire que Lénine insiste beaucoup, c'est que pendant l'Empire russe, il y a eu très régulièrement des éruptions de révolte très fortes à tous les moments, qui ont surgi à plusieurs moments de la période impériale russe, mais qui à chaque fois retombaient. Et qu'évidemment, la question de Lénine, c'est quelle est... ça retombe et comment on fait la continuité entre ces éruptions, comment on les tient ensemble, tout ça. Que faire pour que ça ne retombe pas et certes ressurgisse, mais de façon trop sporadique. And what I hear about your experiences from the last years when I talk to comrades here like Ernest is quite similar, right? You've had one explosion after another, but not much in the terms of organizational continuity to link them. And some of the eruptions can disappear without a trace. And perhaps France is the case where this situation has been most intense, but we've certainly seen it in other countries too, where you have various types of protest movements and then they just vanish. Now, obviously, this is yeah. Voilà, il rappelle que pour avoir discuté avec quelques camarades ici et là, en France, on a eu cette situation de beaucoup d'éruptions ces dernières années, mais peut-être on ne sait pas toujours ce qu'il en reste ou quelle forme d'organisation se crée autour de ça, et que même s'il y a eu des éruptions effectivement très intenses, peut-être particulièrement intenses en France, même si c'est arrivé aussi dans d'autres pays, quelles sont un peu les continuités, les formes d'organisation qui émergent. Now, obviously, this works differently from in Tsarist Russia. One big change, one big difference being the role of social media in organizing protests nowadays. I don't know how central it is to how things happen in France, but if there's any social protest happening in Sweden, which is extremely rare, it's always fueled by social media. Et évidemment, une des grandes différences avec la Russie impériale et du Tsar, c'est aujourd'hui le rôle des médias sociaux, de Facebook et compagnie. Et alors, il ne sait pas ce que ça voudrait dire d'être léniniste avec les médias sociaux, tout ça, mais de fait, beaucoup d'événements politiques, et notamment en Suède, tout ça, arrivent toujours à être un peu fueled, nourris et tout ça, par ce qui se passe sur les médias sociaux. You know, when I was an organizer on the Swedish far left, which I am not any longer, 20 years ago, if there was a call for a demonstration, representatives of organizations would meet and hammer out a common agenda and program and discuss how we're going to do this. And you had follow-up discussions afterwards. What did we achieve? What was bad? What was good? How are we taking the next step? Nowadays, if there's a demonstration in Sweden, except for May Day demonstrations, it always happens with someone making a call on Facebook and people going there, and then that's it. Voilà, il prend l'exemple, à titre personnel, je rêve de cette forme d'organisation. Mais il prend l'exemple qu'en Suède, avant, il y avait... Les partis se rencontrent, ils se font un plan, ils disent qu'est-ce qu'ils vont faire et tout ça, hop, à quel moment, tout ça, et qu'après ils se rencontrent pour voir ce qui a marché ou pas. Et qu'aujourd'hui, quand il y a des manifs du 1er mai, par exemple, c'est quelqu'un qui lance l'appel sur Facebook, tout ça. Peut-être un peu moins pour le 1er mai, mais pour les autres formes, c'est beaucoup des appels comme ça, mais sans, disons, cette continuité organisationnelle, cette pratique. I don't know if you recognize this situation from France, but I think a case could be made that social media has supercharged this process of transient demonstrations, spontaneous eruptions that then disappear because there is no solidity to the campaigns. Je sais pas si vous trouveriez le même constat, mais les médias sociaux ont quelque part surrenforcé cet surgissement sporadique, ces petits surgissements et participent beaucoup à maintenir cette forme-là de surgissement politique. Now, one of my favorite political magazines is Salvage, produced by comrades in London. And in the most recent issue, there is a wonderful article, which I hope will be available to non-subscribers soon, called The Anarchist in the Network, which is an analysis of how social media politics prevents the creation of more enduring, durable organizations. And it's a really remarkable piece, which draws on what is to be done by Lenin to understand precisely the situation. Il cite un article qui sera peut-être accessible ou traduit dans Salvage, un journal anglais anarchiste, qui essaie les anarchistes dans les médias sociaux et qui essaie de penser, qui essaie de montrer comment les médias sociaux préventent ou, disons, contre-insurrectionnellement, presque, empêche de sortir un peu de ces formes éruptives, etc. Et qu'il espère que ce texte sera accessible. Et en plus, même s'il est écrit dans une perspective anarchiste, se base sur le que faire du camarade Lénine. Arrête de l'appeler comme ça. Now, so What I'm saying here is just essentially repeating the point from the other day that we need to experiment and try to find some way of building organizations that work for our time. This is not a question of copying the model of the Bolsheviks, but of thinking, of posing the question that Lenin posed in What is to be Done? How do we transform these cycles of protest into a political project with direction? I had some thoughts on the question of religion and history, but since the discussion has moved on, I'll leave it and maybe I can come back later. Et il insistait sur le fait que comme dimanche, sans reprendre évidemment le modèle bolchevique, etc., on n'est pas en train de discuter de ça, mais il s'agit d'imaginer quelle pourrait être la forme d'organisation pour notre temps, quelle forme serait capable de redonner une forme de cycle de connexion entre toutes les luttes sporadiques et d'organisation capable de les soutenir. I would be very curious to hear what you have to say on religion and history, so I hope you'll come back to okay, it. Yeah. Mais oui, j'ai rien à ajouter, du coup je vais répondre à ta question. Je pense qu'il peut y avoir des formes complémentaires, si vous voulez, mais il faut vraiment que j'y réfléchisse, et c'est ce que je suis en train de faire. Oui, mon point de départ est que... n'est pas vraiment une volonté de disqualifier en vérité ces réactivations parfois très explicites, hein, de, non seulement de l'animisme, mais aussi de la catégorie d'animisme elle-même, qui est plus ou moins contestable. En revanche, je suis effectivement frappé, et c'est en partie alors quelque chose qui n'est pas forcément explicite ou explicité dans le livre, qui le sera peut-être à l'avenir, mais qui est très certainement un de ses points de départ de ce livre. Et ce point de départ, c'est qu'effectivement, j'ai un intérêt et une curiosité, voire une admiration pour toute cette littérature que vous mentionniez. Mais il me semble qu'elle est habitée par le dispositif anthropologique ou ethnologique et qu'elle elle s'inspire de formes de vie qui sont lointaines, souvent les plus lointaines possibles d'une certaine manière, non seulement géographiquement, mais de nos modes de vie. Et en vérité, pour essayer de faire droit et d'être juste envers les défenseurs de ce courant, certains d'entre eux et d'entre elles sont parfaitement conscients, en vérité, de cette limitation qui est potentiellement un vrai problème, à savoir leur propre position, habitant en Europe ou en Occident, et au fond, par la situation même de leur discours, ou on pourrait même dire de leur corps et donc de leur énonciation, elles sont obligées, contraintes, pour la plupart d'entre elles et eux, à, au fond, faire de l'animisme cette sorte d'autre. Donc on est dans un dispositif qui est ethnographique et qui est, d'une certaine manière, exotique au sens propre du terme, c'est-à-dire que altérise. En vérité, il y a des formes d'autocritique, en fait, en vérité, dans ces mouvements. C'est pour ça que je ne parle pas, moi, de disqualification du tout, d'une certaine manière. Et je pense qu'ils ont apporté, ils ont encore à apporter quelque chose d'intéressant dans le fait d'ouvrir des perspectives nouvelles et autres pour nous, ici. Et donc, un certain nombre de ces auteurs ont donc, comme je le disais, cette forme d'autocritique. Et en vérité... essaye en fait de créer des nouveaux agencements, que ça soit d'un point de vue artistique ou politique ou philosophique, à partir de, au fond, d'études de terrain. Donc, il s'agit de ça, d'abord et avant tout. Et la chose que je voulais dire au début, et qui est d'une certaine manière très simple, hein, c'est-à-dire que politiquement, j'ai toujours trouvé ça étonnant, au fond, qu'on ne traite pas de ce qui se passe ici et, au fond, des autres qui sont intérieurs, et d'ailleurs qui ne sont pas forcément des autres pour cette même raison-là. Et par exemple, dans certaines anthropologies ou travaux anthropologiques qui sont, par exemple, souvent héritiers ou plus ou moins explicitement de Lévi-Strauss, il est intéressant de voir que quand il s'agit, par exemple, d'islam ou d'autres traditions monothéistes, soit elles sont effacées, elles sont absentes, soit il se passe un autre phénomène qui est un peu étrange, c'est-à-dire qu'elles sont considérées comme étant occidentales. Et au fond, le livre essaye de déployer d'autres potentialités. En vérité, sur ces choses-là, j'ai écrit, mais en fait en anglais, et c'est des choses qui vont paraître, mais qui ne sont pas dans le livre lui-même. Mais le livre a pour fonction, au fond, d'ouvrir une autre perspective critique sur le problème lui-même. Puisque la manière, évidemment, dont vous allez analyser le problème, à savoir ici l'industrialisme, si vous voulez, va déterminer la manière dont vous allez penser effectivement les solutions. Donc il faut bien partir du point de départ. Voilà. Donc encore une fois, pour reprendre la question de que faire, d'une manière peut-être plus spéculative et moins proprement politique. En tout cas, mon propre travail et ceux d'autres personnes consiste à introduire d'autres traditions au fond, alternatives pour essayer justement de déployer d'autres imaginaires, etc. Pour parler de manière plus explicite, peut-être en termes de référence, il y a un courant de l'anthropologie critique qui n'est pas du tout introduit en France, qui a été plus ou moins inspiré, inventé par quelqu'un qui s'appelle Talal Assad, qui est lui-même une source en vérité de l'orientalisme d'Edouard Saïd, que citait Andreas. Et en fait, en ce moment, il y a une convergence qui se passe, voire une convergence, mais qui est aussi une conversation plus qu'une une union entre des formes d'anthropologie qui viennent, disons, des scolaires, la tour, ça, et des formes d'anthropologie qui viennent justement de ce courant-là. Donc c'est vraiment en cours et ça se passe plutôt en anglais. Et c'est vrai que moi, mon travail se situe précisément à cette intersection-là. Bon. Maintenant, quelles en sont les conséquences? Quelles sont Je ne peux pas dire qu'est-ce que ça va changer, mais en vérité, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir cet autre espace. Voilà. Et pour le faire, il faut s'intéresser à la manière dont, enfin, à la raison pour laquelle, au fond, cet autre espace a du mal à trouver sa voie, particulièrement en France. Mais en vérité, la réponse est dans la question, puisque ça a trait, en vérité, à certains dispositifs qui déterminent la structure de la société française, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas y dire, et la marginalisation totale, non pas seulement de la religion. Moi, je considère que la religion est un terme qui est d'ailleurs colonial et européen, et qu'en vérité, ce qu'il faut voir, ce n'est pas de parler de religion, ce qui m'intéresse peu, en vérité, mais de parler de la manière dont on marginalise des courants en disant « ça, c'est de la religion ». Donc, on les marginalise d'une certaine manière. Ce qui se passe institutionnellement, mais qui se passe aussi scientifiquement ou dans le discours, si vous voulez. Voilà, mais je vais arrêter là parce que c'est déjà très long, mais parce que c'est une question qui est très complexe et qui est, au fond, qui est liée à ce projet, mais qui est un projet sur lequel je travaille et qui est encore expérimental, pour le dire de cette manière. Voilà. Oui, donc je profite d'avoir le micro en main pour poser une question à Andreas. Pourquoi dans votre livre, donc sur fascisme fossile, vous ne parlez pas du tout des pays comme la Russie ou la Chine ou tous les autres pays qu'on prétend un peu stupidement socialistes ou communistes? Parce qu'en fait, à lire le livre, j'ai un peu l'impression que le capitalisme fossile est un peu l'apanage occidental, alors que j'ai l'impression que actuellement, et le plus le temps passe, l'Occident n'est qu'une province de ce capitalisme fossile qui produit un peu partout des formes de vie qui sont assez dégueulasses. Et donc, du coup, ma question sous-jacente, c'est pourquoi recourir encore à la forme du fascisme historique? Parce qu'en fait, notamment dans plein de logiques économiques extractivistes, on ne peut pas avoir impunément un rapport assez dégueulasse au vivant sans pour autant avoir des rapports dégueulasses entre nous pour des questions de genre, de race ou plein de choses. Voilà. Et donc, pourquoi, du coup, avoir recours au concept très occidental et très historique du fascisme, alors que pourtant, c'est quand même... Le projet impérial du capitalisme fossile est quand même beaucoup plus large et un peu une théologie politique qui implante dans plein d'endroits en prenant des formes assez différentes. Well, I have to say that one of the surprising things after having published such an insanely long book in English, it's 570 pages, I think, is that the kind of criticism that we most get is, why didn't you write about this as well? Why didn't you write about Russia? Why didn't you write about India? Why didn't you write about China? Yeah, we could have done that too. It's just that the book would have been massively longer. And the focus here is on Euro-American politics of the far right. And there are major omissions and gaps. And I would say that India is a very important one because India has a far right government and is central to climate politics. You wanna... yeah. Bon, évidemment, c'est une question qui revient souvent de pourquoi vous n'avez pas parlé de ceci, cela. Le livre en anglais fait 550 pages, ce qui est à peu près le double de ça, je pense. Et oui, bon, ils sont toujours un peu bloqués par cette question, mais que c'est effectivement leur centralité, c'est les politiques de l'extrême droite euro-américaine. Ça, c'est sûr. Yeah, Russia is interesting because the Russian regime, the Putin regime, is a kind of a right-wing regime, very nationalist and very chauvinist about its fossil fuels, and has a kind of public climate denial as part of its ideology. China is very different, I have to say, in terms of its politics, as far as I understand it. So I don't think China would fit into the problematique of this book. But this is not meant to be a book about the world and all of it. It's about a particular political current. Oui, la Russie est effectivement très particulière, très chauviniste, et en même temps complètement grand déni climatique. Tout ça, la Chine, ce serait encore tout autre chose de ce qu'il en connaît, et que ça rentrerait pas forcément dans la même perspective du livre, mais encore une fois, c'est une compréhension assez restreinte finalement. Enfin, pas restreinte justement, mais une certaine perspective du livre. But there are other cases that would fit better into our model, and we have, for instance, a comrade in the Zetkin Collective who's from Australia, who will start doing work on what's going on there. And that's pretty crazy, with Australia being the world's largest coal and gas exporter and having experienced some pretty devastating climate disasters recently, and a far right that reacts to those disasters by just doubling down on their various conspiracy theories and not letting go of climate denial. So that fits pretty much into our model. Of course, the race relations of Australia are particular to the settler colonial context there, and it's the same in Canada. Oui, par contre, un exemple d'un des membres du Zetkin Collective qui est en Australie. Il étudie beaucoup cette question de ce qui se passe là-bas. Le pays a connu beaucoup de désastres écologiques, a une histoire coloniale très compliquée, un gros déni climatique aussi, et qui sont en train d'enquêter sur l'Australie, qui est un des points un peu centraux de aussi l'extractivisme, etc. One interesting question is, so the only country in the global south that we look at is Brazil. And Brazil really, with the Bolsonaro regime, became a bridgehead of a far right based in the US and Europe, but a bridgehead in the global south. And we have asked ourselves the question, has the Bolsonaro take on climate and ecology spread to other parts of Latin America? So we have some of us in the collective have written a piece on the Latin American scene that will soon be published in the Jacobin Latin America and in English as well. And I can just share a couple of findings because they have some pertinence to the question of religion. Et ils étudient par contre le Brésil, qui est une espèce de pont un peu entre les différents continents, et là qui a une poussée d'extrême droite très très forte. Et ils essaient d'éclairer ça aussi, comment ça se retraverse en Amérique latine, et ils font une enquête qui va publier aussi dans le Jacobin Latin America sur les discours écologiques aussi autour de ça. So it seems that so far there has been no Bolsonaro effect in other parts of the far right in Latin America. I mean, there are a few cases, but none very important. So Bolsonaro seems to be a relatively isolated case still. But you can also see trends of the far right taking up environmental themes. There is a group in Peru, an evangelical Christian far right group, that wants to establish colonies in the Amazon region because they see it as some kind of a religious duty to build colonies and spread the gospel. And they have also adopted environmental themes and imagining that they're going to establish some sort of sustainable colonies inside the Amazon. While this obviously is a form of environmental destruction by definition. But it's an interesting twist, perhaps a Latin American equivalent of the kind of green nationalism that we can see in parts of Europe. Pour l'instant, ils ont l'impression que le modèle de Bolsonaro s'exporte fort heureusement pour l'instant en Amérique latine et que ça reste finalement un modèle pour l'instant assez isolé. Et citer les ghost plans, enfin les grands plans pour le coup de Bolsonaro qui des fois veulent installer des villages un peu autonomes, enfin pas des villages, pardon, veulent aller construire des zones en pleine Amazonie avec tout l'environnement, la destruction environnementale que ça suppose, etc. Et ce qui rejoint un peu les formes de nationalisme vert. Voilà. Just to a few more things. The last thing. I mean, I'm not sure how interested the audience is on hearing my views on religion and those things, and if you want us to go deeper into that. But this the phenomenon of a far right evangelical Christian movement such as this one in Peru is to me one reason to a little bit complicate the picture of the relation between the religious and the secular, because if we define the secularization as the separation between politics and religion. What these forces represent are fundamentally anti-secular ideas in the sense that they want the political sphere to be entirely saturated with religion. And their project is, in that sense, an attempt to roll back secularization, and still they're extremely regressive and reactionary, in my view. Yeah, I'll leave it. Et il reparlait un peu des questions évangélistes qui, à la fois, sont vraiment presque, ils veulent une repolitisation de toute la sphère heureux, pardon, reprise de la question politique par la religion, tout rendre à nouveau religieux, etc. Et que ce serait d'arriver à penser un peu ces liens qu'ils refont entre politique et religion qui seraient intéressants. On m'entend là ? Ok. Je vais peut-être revenir un peu en arrière, mais je reviens sur cette histoire de sécularisation. Donc la question est plutôt pour Mohamed Amer Meziane. En fait, je voudrais que tu clarifies le concept de sécularisation à travers cet exemple de l'expédition napoléonienne et comment elle était reprise pour la colonisation de l'Algérie. Et j'ai été très frappée, moi, par l'exemple que tu donnais de l'inconvertible et comment on peut pas, comment justement le musulman il est racialisé et comment en fait même s'il se convertit au catholicisme en fait ça fonctionne pas, il doit rester racialisé et tout ça. Voilà, c'est juste pour clarifier ce point-là parce que j'ai l'impression que c'est assez central dans ton argumentation. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse en fait dans l'expédition d'Égypte, c'est cette phrase qui est connue hein, en tant que telle. En tout cas pour ceux qui se sont intéressés à l'histoire du Moyen-Orient moderne, disons, c'est cette phrase que du coup tu connais peut-être vu que tu as lu le livre, c'est-à-dire « nous sommes de vrais musulmans ». Et donc la base de départ du livre consiste à prendre cette phrase au sérieux, puisqu'en général, et par exemple Edouard Saïd hésite sur cette question quand il rencontre cette phrase, mais en général, la façon dont en fait elle est envisagée, c'est de dire, c'est purement opportunisme, c'est de la stratégie politique, parce que c'est évidemment. Mais est-ce que c'est seulement ça? Et donc en fait, à partir de ce moment-là, ce qui m'intéresse, c'est de voir que au fond, quand les armées napoléoniennes arrivent en Égypte, elles renoncent à convertir. Et c'était ça mon point de départ pour dire il y a quelque chose qui se passe ici et j'utilise le concept de sécularisation en un sens pour le coup différent d'un simple déclin puisque ce qui m'intéresse en utilisant ce concept c'est de comprendre ce qui se passe à ce moment-là précis. Quand une armée arrête de dire vous allez vous convertir au christianisme car le christianisme est la seule vraie religion mais commence à dire nous sommes de vrais musulmans parce que notre ennemi c'est l'Église. Et donc effectivement, il y a quelque chose qui change dans la structure même de l'Empire à ce moment-là et que j'ai décidé de prendre au sérieux en renversant d'une certaine manière la perspective, c'est-à-dire en disant c'est un indice de quelque chose et ce quelque chose pour moi ce sont les rapports entre sécularisation et Empire. Ceci étant dit, ça permet de formuler aussi d'autres questions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. La première chose que ça permet de voir, à mon sens, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que la première armée dite séculière ou laïque, qui au fond est existée, puisque c'est d'une certaine manière la première de l'histoire en un sens, pourquoi elle se dit musulmane ? Voilà. Et alors évidemment, on peut faire des polémiques à partir de là, etc. Mais la chose sérieuse qui se passe à ce moment-là et qui se révèle et qui n'a pas fondamentalement changé, à mon avis, c'est que ce qui se met en œuvre à ce moment-là est aussi une tentative pour, comme je le disais, non pas convertir les musulmans au christianisme, mais transformer leur culte de l'intérieur, en vérité, le constituer comme un culte et l'intégrer à l'appareil d'État. Ce qui montre, bien sûr, que là, vous ne pouvez pas appeler sécularisation une séparation du politique et du religieux, puisqu'au contraire, c'est une façon de l'intégrer non seulement à l'intérieur de l'État, mais de le transformer complètement en vertu de cette intégration elle-même. Maintenant, pourquoi le lien à l'Algérie et ensuite pourquoi le lien à cette notion d'inconvertibilité et qu'est-ce que ça change par rapport à la conception du racisme et non seulement à la façon dont on conceptualise le racisme, mais dont on comprend son histoire. Donc, je vais essayer de répondre de clarifier plutôt ces deux aspects. Le premier, c'est que, comme vous le savez peut-être, l'expédition d'Égypte échoue. C'est un échec. Mais ce qui se met en œuvre, ce qui se formule pendant cet événement, à mon sens, ou en tout cas c'est comme ça que j'écris l'histoire de la sécularisation, permet de comprendre au moins deux choses, à savoir la sécularisation de la France elle-même, ce qui pour moi est simplement une sorte de renversement de perspective qui permet de ne pas faire une histoire eurocentrique de la laïcisation de la France, en disant à quoi elle ressemble si on part de l'Égypte et non pas de la France. Et que la France devient fonction de ce qui se passe en Égypte et non pas l'inverse. Et ce qu'on voit, c'est que après qu'il y ait d'une certaine manière un retour de l'Égypte à la France, eh bien, il y a un autre retour qui se fait, qui est de la France vers l'Algérie. Puisque, au fond, ce qui a échoué en Égypte va être redéployé et vraiment institutionnalisé en Algérie. Alors, évidemment, si des historiens étaient là, ils diraient que je vais trop vite, évidemment. Mais, parce qu'il y a des différences, évidemment, qu'on peut faire. Mais fondamentalement, il y a une question qui demeure, et qui est celle de savoir comment est-ce qu'on gère la conversion. Donc ça ne veut pas dire qu'on arrête de convertir totalement les musulmans, mais ça veut dire par exemple que le projet de l'Église catholique qui était de déployer une politique missionnaire de conversion massive échoue justement. Et elle échoue parce que l'État colonial qui se met en œuvre en Algérie est un État qui est au fond héritier de Napoléon, c'est-à-dire qu'au fond il soumet l'Église à sa propre puissance. Bon. Et c'est ce que j'appelle du coup la sécularité de cet État ou sa sécularisation. Maintenant, à partir du ce que ça a engendré, c'est une limitation, voire à certains moments donnés, une interdiction des pratiques de conversion. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de convertir les musulmans au christianisme ou même d'essayer. Et puis, au fur et à mesure, les choses se sont détendues, mais cette question est toujours restée une forme de conflit interne entre, au fond, les forces séculières ou laïques et les forces chrétiennes à l'intérieur du dispositif colonial ou de l'État colonial. Maintenant, à partir de ce qui se passe, en fait, à travers ces questions et ces tensions internes, à mon sens, c'est effectivement un visage, disons, théologico-politique du racisme, qui, à mon avis, n'est pas souvent et pas suffisamment pris en compte. Et quand Fanon écrit sur l'Algérie et sur la structure du racisme en Algérie, il voit des effets de cette histoire, mais sans les connaître. Ce qui est une manière, enfin, ce qui explique en fait, au fond, que la manière dont Fanon comprend le racisme en Algérie, à certains moments donnés, il voit bien que, au fond, la structure de l'apartheid qu'il y a eu là-bas, parce que c'est un apartheid, est liée à la racialisation de l'islam, mais il ne parvient pas réellement à le comprendre, à mon sens, pour plusieurs raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Et c'est pourquoi, pour moi, l'inconvertibilité est en fait la matrice de la race. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on part, comme à mon avis il faut le faire, de la Reconquista, alors la matrice de la race, c'est ce qu'on appelait à ce moment-là la pureté du sang. Et la pureté du sang, qui était institutionnalisée dans l'Empire espagnol tel qu'en fait il naît de la Reconquista, consiste à dire... Le sang, la race, est précisément ce qui demeure inconvertible même quand juifs et musulmans se convertissent au christianisme. Donc c'est ce qui reste, c'est le reste inconvertible. Même si vous êtes convertis, même si juifs et musulmans se sont convertis, c'est-à-dire qu'ils sont en fait techniquement chrétiens. Mais ce qui demeure, c'est précisément la race, c'est-à-dire ce reste inconvertible. Et l'hypothèse que je fais... à partir de cette matrice, et d'analyser ce qui se passe au XIXe siècle maintenant, en disant, mais il y a quelque chose qui continue cette structure, qui la perpétue, et il y a aussi quelque chose qui la transforme dans la mesure où, au fond, c'est un moment où l'inconvertibilité n'est pas ce qui reste à l'intérieur de l'acte de conversion, mais c'est précisément un moment... où précisément l'inconvertible est posé comme tel et où donc on cesse de convertir. Et qu'est-ce qui change à ce moment-là? Et ce qui change, j'essaie de le décrire en reprenant et en transformant évidemment le concept même de la sécularisation en disant qu'il y a quelque chose qui se sécularise à l'intérieur du dispositif colonial. C'est pourquoi, à mon sens, la catégorie de fanatisme est très importante puisqu'en fait, elle permet, au fond... de racialiser cette inconvertibilité-là, mais d'une manière, si vous voulez, moderne ou plus précisément séculière. Et pour finir sur cette affaire, l'émergence de cette catégorie de fanatisme est liée, si vous regardez certains passages du livre, c'est étudié, est liée en fait à l'émergence d'une comparaison qui est très étrange et qui est la comparaison et qui date de la Révolution française entre l'islam et la terreur rébosphériste. Et en fait, à mon sens, c'est ce qui explique au fond un certain nombre de dispositifs dont je n'ai pas besoin de vous dire à quel point ils ont pu structurer l'histoire récente, qui à mon avis, oui, font partie de plein pied de ce qui se passe à travers la colonisation d'Algérie et qui en fait concernent bien plus que les simples rapports France-Algérie précisément. Et le caractère, parce qu'en fait votre question me permet en fait de clarifier ça, et parce que ça ne va pas du tout de soi en tant que tel, c'est pourquoi attribuer autant d'importance, et je finirai là-dessus, à cette histoire qui semble être précisément provinciale par rapport à celle de l'empire britannique, qui est celle de la colonisation française de l'Algérie. Et bien précisément parce que, comme vous savez peut-être, l'Algérie faisait partie de l'empire ottoman. Et c'est une partie du monde à travers laquelle les dispositifs de racialisation et de colonisation des populations musulmanes ont en fond émergé. Et mon hypothèse, c'est que ces dispositifs se sont ensuite disséminés ailleurs. Donc c'est pas seulement ce qui s'est passé en Algérie n'est pas seulement ce qui se passe en Algérie, mais qu'en même temps, c'est une manière de considérer la manière dont, au fond, l'Afrique du Nord-Ouest et probablement, on pourrait ajouter le Moyen-Orient, la manière dont ces pays ont été colonisés, ce qui est rarement pris en compte pour plusieurs types de raisons sur lesquelles je pourrais revenir, mais que je vais mettre de côté pour l'instant. Donc, au fond, c'est ça, je m'arrête là, parce que sinon, je pourrais encore continuer.